Bonjour à tous. Aujourd'hui, truite façon grenobloise pour 4 personnes. 4 truites du Vercors de 200 g, 150 g de beurre, 2 citrons jaunes pelés à vif et en suprême, 1 jus de citron, 3 tranches de pain de mie pour croûtons, 60 g de cap, du persil haché, du sel et du poivre. Laver, sécher le poisson, l'assaisonner, le rouler dans la farine, les poêler au beurre moussant. Truite côté droit au départ, les retourner et les arroser souvent. Les réserver au chaud sur une grille. Dans la poêle de cuisson, faire sauter les croûtons. Ajouter les segments de citron, les capes. Ajouter un peu de beurre, du persil et un bon jus de citron. Dresser les truites sur assiette chaude. Napper avec le beurre grenoblois. Garniture pomme à l'anglaise. Un petit vin conseillé. Un coteau du Grésivaudan blanc à boire avec modération.